le philosophe Critolaos vécut au IIe siècle avant notre ère. Milet fut une des plus importantes villes et ports grecs de l'Asie dite mineure, la côte occidentale. À Athènes, le talent fut d'abord une unité de poids, environ 27 kilos, mais elle devint une unité monétaire en or ou en argent, représentant donc une somme colossale, comme on dit de nos jours, une brique. Nous lisons dans Critolaos que Milet envoya dans ses intérêts à Athènes une ambassade, probablement pour implorer le secours des Athéniens. Les députés choisirent des orateurs pour plaider la cause des Milésiens devant le peuple, et ceux-ci s'acquittèrent de leur mandat. Démosthène leur répondit avec force, déclarant que les Milésiens étaient indignes des secours d'Athènes, que se rendre à leurs vœux serait contraire à la République. L'affaire fut remise au lendemain. Les députés allèrent trouver Démosthène et le supplièrent de ne point parler contre eux. L'orateur leur demanda de l'argent et il obtint tout ce qu'il voulut. Le lendemain, l'affaire ayant été reprise, Démosthène, la tête et le cou enveloppés de laine, parut dans l'assemblée et déclara que, souffrant d'un mal de gorge, il était impossible de prendre la parole contre les Milésiens. Alors, quelqu'un s'écria du milieu de la foule: ce n'est pas de mal de gorge, mais un mal d'argent qui tient Démosthène. Au reste, Critolaos prétend que dans la suite, cet orateur, loin de s'en cacher, l'avouait publiquement et s'en faisait gloire. Il demandait un jour à l'acteur Aristodème combien il recevait pour parler sur la scène. Un talent, lui répondit-il. Et moi, reprit Démosthène, j'ai reçu davantage pour garder le silence.